Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 14. Près de venir est son temps, et ses jours ne seront pas différés. Car le Seigneur aura pitié de Jacob. Il fera encore choix d'Israël, et il les fera reposer dans leur terre. L'étranger se joindra à eux, et il s'attachera à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera dans la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes. Et ils prendront ainsi ceux qui les avaient pris, et ils soumettront leurs exacteurs. Et il arrivera en ce jour-là, que lorsque le Seigneur t'aura donné du repos après ton travail et après ton oppression, et après la dure servitude à laquelle tu as été auparavant assujetti, tu emploieras cette parabole contre le roi de Babylone. Et tu diras comment a cessé l'exacteur et a discontinué le tribut. Le Seigneur a brisé le bâton des impies, la verge des dominateurs, qui dans son indignation frappait les peuples d'une plaie incurable, qui dans sa fureur assujettissait des nations, qui les persécutait cruellement. Toute la terre se repose et est en silence. Elle est dans la joie et dans l'exultation. Les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis à ton sujet, disant, depuis que tu dors, il ne monte personne qui nous abatte. L'enfer au-dessous a été tout troublé au moment de ton arrivée. Il t'a suscité les géants. Tous les princes de la terre se sont levés de leur trône, ainsi que tous les princes des nations. Tous élèveront la voix et te diront, toi aussi tu as reçu des blessures comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil a été précipité dans les enfers. Ton cadavre est tombé par terre. Au-dessous de toi, la teigne formera ta couche, et ta couverture seront les vers. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, qui dès le matin te levait? Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui faisais des blessures aux nations? Qui disait dans ton cœur, je monterai au ciel, sur les astres de Dieu j'élèverai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne du Testament, aux côtés de l'Aquilon. Je monterai sur la hauteur des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais cependant tu seras traîné dans l'enfer, au profond de la fosse. Ceux qui te verront se pencheront vers toi, et ils te considéreront, et te diront, est-ce là cet homme qui a troublé la terre, qui a ébranlé les royaumes, qui a fait de l'univers un désert, et a détruit ses villes, et à ses captifs n'a pas ouvert la prison? Tous les rois des nations, tous se seront endormis dans la gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un tronc inutile et souillé. Et enveloppé avec ceux qui ont été tués par le glaive, et qui sont descendus au fond de la fosse comme un cadavre putréfié. Tu n'auras pas même part avec eux à la sépulture, parce que c'est toi qui as détruit entièrement ta terre, toi qui as tué ton peuple. La race des méchants n'existera pas éternellement. Préparez ces enfants au massacre. À cause de l'iniquité de leur père, ils ne s'élèveront pas. Ils n'hériteront pas de la terre, et ils ne rempliront pas la face du globe de cité. Et je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur des armées, et je perdrai le nom de Babylone, et les restes, et le germe, et la race, dit le Seigneur. Et j'en ferai la possession du hérisson, j'en ferai des marais d'eau, et je la balayerai avec un balai en la raclant, dit le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées a juré, disant, certainement, comme j'ai pensé, de même il en sera. Et comme j'ai arrêté dans mon esprit, ainsi il arrivera. Afin que je brise l'Assyrien dans ma terre, et que sur mes montagnes je le foule aux pieds. Que son joug soit emporté loin d'eux, et que son fardeau soit enlevé de leur épaule. C'est là le dessein que j'ai formé sur toute la terre, et c'est là la main étendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées l'a décrété. Qui pourra affirmer son décret? Et sa main est étendue, qui la détournera? En l'année à laquelle est mort le roi Achaz, a été faite cette prophétie accablante. Ne te réjouis pas, toi terre entière de Palestine, de ce qu'a été brisée la verge de celui qui te frappait. Car de la race du serpent sortira un basilic, et ce qui en naîtra dévorera l'oiseau. Et les plus indigents seront nourris, et les pauvres reposeront avec confiance. Et je ferai mourir ta racine, et tes restes je les tuerai. Pousse des hurlements, porte, crie, cité. Toute la Palestine a été renversée. Car c'est de l'Aquilon que la fumée viendra, et il n'est personne qui fuira son armée. Et que répondra-t-on au messager de la nation? Que c'est le Seigneur qui a fondé Sion, et qu'en lui espéreront les pauvres de son peuple. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.